Victor Hugo, le poème du jardin des plantes, ce que dit le public. Cinq ans. Les lions, c'est des loups. Six ans. C'est très méchant, les bêtes. Cinq ans. Oui. Six ans. Les petits oiseaux, ce sont des malhonnêtes. Ils sont sales. 5 ans, oui. 6 ans, regardant les serpents. Les serpents. 5 ans, les examinant. 7 ans, pour. 6 ans, prends garde au singe, il va te prendre ton chapeau. 5 ans, regardant le tigre. Encore un loup. 6 ans. Viens voir l'ours avant qu'on le couche. 5 ans regardant l'ours. Joli. 6 ans. Ça grimpe. 5 ans regardant l'éléphant. Il a des cornes dans la bouche. 6 ans. Moi, j'aime l'éléphant. C'est gros. 7 ans survenant et les arrachant à la contemplation de l'éléphant. Allons, venez. Vous voyez bien qu'il va vous battre avec son nez.